Chapitre 44. Second genre de biens particuliers qui peuvent être pour la volonté une source de vaine complaisance. Il y a une seconde sorte de biens distincts et savoureux dans lesquels la volonté peut goûter une joie frivole. Il nous provoque à servir le Seigneur ou nous persuade de le faire. Ces moyens sont les prédications. Nous pourrions les considérer sous un double aspect, c'est-à-dire en ce qui concerne les prédicateurs eux-mêmes, et par rapport à ce qui regarde les auditeurs, les conseils se présentent en foule, pour indiquer à chacun comment il faut guider vers Dieu la joie de sa volonté dans cet exercice. En premier lieu, si le prédicateur veut être utile au peuple, et ne pas s'exposer au danger d'une vaniteuse complaisance en lui-même, il est bon de lui rappeler que la prédication est un exercice où l'esprit intérieur doit avoir plus de part que la parole, sans nul doute, le son extérieur est le moyen indispensable. Néanmoins sa force et son efficacité dépendent entièrement de l'esprit intérieur, si sublime que soit sa rhétorique et la doctrine qu'il prêche, si châtié que soit le style dont il revêt ses pensées. Le fruit ne laissera pas d'être ordinairement en rapport direct avec l'esprit qui l'anime. À la vérité, la parole de Dieu est efficace en elle-même, et David a pu dire que, le Seigneur rendra sa voix, une voix forte et puissante. Psaume 67, 31. Le feu a aussi par lui-même la vertu de brûler, et cependant il n'enflamme pas un objet qui manque de la disposition nécessaire. Or, pour assurer les fruits de la doctrine, ou de la parole de Dieu, deux dispositions sont requises. L'une regarde l'auditeur et l'autre le prédicateur. Habituellement le résultat de la prédication se mesure à la sainteté de l'orateur. On dit avec raison, tel maître, tel disciple. Nous lisons dans les Actes des Apôtres que les sept fils de Séva, prince des prêtres juifs, avaient coutume de conjurer les démons avec la même formule dont saint Paul se servait. Un de ces malins esprits se mit en fureur contre eux et leur cria, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Aussitôt est l'homme, qui était possédé d'un démon très méchant, se jeta sur deux de ses exorcistes, et s'étant rendu maître, il les traita si mal, qu'ils furent contraints de s'enfuir de cette maison sans vêtements et couverts de plaies. Actes 19, 15, 16, il en arriva de la sorte, parce que ces hommes n'avaient pas les dispositions nécessaires pour remplir une pareille mission. Ce n'est certainement pas que le Christ défendit de chasser les démons en son nom. Un jour les apôtres, ayant vu un homme qui, sans être du nombre des disciples, chassait un démon au nom du Christ, voulurent s'y opposer. Le Seigneur leur donna alors cette leçon, « Laissez-le faire, car il n'est personne qui, ayant fait un miracle en mon nom, puisse se mettre aussitôt après à parler mal de moi. » Saint Marc, 9, 38. Dieu a en horreur ceux qui enseignent sa loi, et ne la gardent point, qui prêchent le bien et ne le pratiquent pas. Saint Paul s'écrit à ce sujet, « Vous qui instruisez les autres, vous ne vous instruisez pas vous-même, vous qui prêchez qu'on ne doit point voler, vous êtes voleurs. » Romains, 2, 21. Et le Saint-Esprit, par l'organe du roi prophète, dit aux pécheurs, « Pourquoi racontez-vous mes justices et pourquoi avez-vous sans cesse mon testament à la bouche ? C'est vous qui avez haï la discipline, et qui avez pris mes paroles pour les jeter par derrière. » Psaume 49, 16,17. Il nous fait comprendre, par là, que le Seigneur refusera de tels hommes l'intelligence et les qualités nécessaires pour travailler avec fruit au salut du prochain. Plus la vie du prédicateur est sainte et parfaite, autant qu'il nous est permis d'en juger, plus sa prédication est féconde. C'est un fait d'expérience, son style aurait beau être vulgaire, Son érudition et sa doctrine assez médiocre, l'esprit vivificateur qui l'anime répandra sa chaleur bienfaisante sur son auditoire, et tel autre dont la vie est imparfaite, produira très peu de fruits, malgré la sublimité de son style et la profondeur de sa science, j'en conviens, les paroles choisies, les gestes oratoires, les fleurs de l'éloquence sont de nature à faire impression sur l'assistance, et à produire les plus heureux résultats, si ces dons naturels sont accompagnés de l'Esprit de Dieu. Sans ce puissant secours, les sens pourront être réjouis et l'intelligence satisfaite, mais la volonté restera séchée froide, et ne recueillera de ses prédications qu'un résultat insignifiant ou même nul. Vous la verrez aussi lâche et aussi paresseuse au travail, que par le passé, malgré les plus beaux sermons et l'élocution élégante de l'orateur, ces phrases étudiées ne servent qu'à charmer l'oreille, comme un concert musical ou le son harmonieux des cloches, privé de la puissance de l'esprit intérieur. Le son de la voix sapa par lui-même la vertu de ressusciter les morts, et de les faire sortir de leur sépulcre. Peu m'importe d'entendre une parole plus ou moins sonore, si celle-ci ne m'excite pas plus que celle. Là, à la pratique du bien, on a dit des merveilles, soit, mais elles sont vite oubliées, si la volonté n'y trouve pas le feu sacré, seul capable de l'enflammer. En outre, tout ce qui, dans l'audition de cette parole, frappe les sens et leur apporte une jouissance, empêche la vérité de pénétrer jusqu'à l'esprit, tout se borne à l'appréciation des accessoires dont la doctrine est revêtue, on loue dans le prédicateur telle ou telle qualité, et on le suit assidûment, bien plus pour ce motif humain que pour chercher dans son enseignement l'amendement de sa vie. Saint Paul écrivant aux Corinthiens met cette vérité en relief. Quant à moi, mes frères, lorsque je suis venu vers vous pour vous annoncer l'évangile de Jésus-Christ, je n'y suis point venu avec les discours élevés de l'éloquence, ou de la sagesse des hommes, ma parole et ma prédication ne s'appuyaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais elles recevaient leur force des effets sensibles de l'esprit et de la vertu. 1 Corinthiens 2, L, 4. Toutefois l'intention de l'apôtre n'est pas de proscrire la pureté du style, l'art de la rhétorique et la sublimité de l'éloquence, ses avantages réels, toujours puissants partout où ils se trouvent, peuvent certainement contribuer au succès du prédicateur. Une bonne parole, dite à propos, relève et gagne une cause désespérée, tandis qu'au contraire la meilleure peut être perdue par une parole faible et insuffisante. Fin de la montée du Carmel. Ici s'arrête la montée du Carmel dans les manuscrits originaux. On ignore le motif qui a empêché notre bienheureux frère de mettre la dernière main à son travail. Malgré cette regrettable lacune, s'il nous est permis d'exprimer notre sentiment, on peut dire qu'il est facile de compléter dans la pratique l'œuvre de Saint Jean de la Croix, en appliquant aux trois autres passions de l'âme les règles qu'il donne sur la manière de rapporter à Dieu la joie de la volonté. Le traité de la nuit obscure est également resté inachevé. Le saint n'y commente que les trois premières strophes du cantique qui sert de thème à ses sublimes enseignements. D'ailleurs, les âmes désireuses de suivre le grand docteur mystique, à travers les ténèbres de la nuit obscure, jusqu'aux splendides clartés de l'union divine, pourront trouver dans l'explication du cantique spirituel et de la vie flamme d'amour la suite et le complément de sa céleste doctrine. Note de la traduction. Marc Emdan, archive.org d'après. Vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux père Saint Jean de la Croix. Traduction faite sur l'édition de Séville de 1702. Publiée par les soins des Carmélites de Paris. Librairie religieuse Houdin 1893. Licence Creative Commons.